إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، continue la lecture du tafsir du Cheikh Abdurrahman ibn Nasir al-Sa'di rahimahullah ta'ala. Aujourd'hui, on entame l'explication de Surat At-Talaq, qui est traduit par Surat le divorce. قال تعالى بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وتلك حدود الله ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف وأشهدوا ذوي عدل منكم وأقيموا الشهادة لله ذلكم يوعظ به من كان يؤمن بالله واليوم الآخر ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا. وكل دي سبحانه وتعالى sont le sens dans les versets 1 à 3 de Surat At-Talaq, le divorce. Ô prophète, quand vous répudiez les femmes, répudiez-les conformément à leur iddah, à leur période de viduité, et comptez la période, et craignez Allah votre Seigneur. Ne les faites pas sortir de leur maison, et qu'elles n'en sortent pas, à moins qu'elles n'aient commis une turpitude prouvée. Telles sont les lois d'Allah. Quiconque cependant transgresse les lois d'Allah se fait du tort à lui-même. Tu ne sais pas, toi qui divorces ta femme, si d'ici là Allah ne suscitera pas quelque chose de nouveau. Puis, quand elles atteignent le terme prescrit, retenez-les de façon convenable ou séparez-vous d'elles de façon convenable. Et prenez deux hommes intègres parmi vous comme témoins et acquittez-vous du témoignage envers Allah. Voilà ce à quoi est exhorté celui qui croit en Allah et au jour dernier. Et quiconque craint Allah, il lui donnera une issue favorable et lui accordera ses dons par des moyens sur lesquels il ne comptait pas. Et quiconque place sa confiance en Allah, Allah lui suffit, Allah atteint ce qu'il se propose et Allah a assigné une mesure à chaque chose. قال الشيخ السعدي رحمه الله تعالى يقول تعالى مخاطبا لنبيه صلى الله عليه وسلم وللمؤمنين يا أيها النبي إذا طلقتم النساء أي أردتم طلاقهن فالتمسوا لطلاقهن الأمر المشروع ولا تبادروا بالطلاق من حين يوجد سببه من غير مراعاة لأمر الله بل طلقوهن لعدتهن أي لأجل عدتهن بأن يطلقها زوجها وهي طاهر في طهر لم يجامعها فيه فهذا الطلاق هو الذي تكون العدة فيه واضحة بينة بخلاف ما لو طلقها وهي حائض فإنها لا تحتسب بتلك الحيضة التي وقع فيها الطلاق وتطول عليها العدة بسبب ذلك وكذلك لو طلقها في طهر وطئ فيه فإنه لا يؤمن حملها فلا يتبين لا يتضح ولا يتضح بأي عدة تعتد وأمر تعالى بإحصاء العدة أي ضبطها بالحيض إن كانت تحيض أو بالأشهر إن لم تكن تحيض وليست حاملة فإن في إحصائها أداء لحق الله وحق الزوج المطلق وحق من سيتزوجها بعد وحقها في النفقة ونحوها. فإذا ضبطت عدتها علمت حالها على بصيرة، وعلم ما يترتب عليها من الحقوق وما لها منها. وهذا الأمر بإحصاء العدة يتوجه للزوج وللمرأة إن كانت مكلفة، وإلا فلوليها. وقوله تعالى: واتقوا الله ربكم، أي في جميع أموركم، وخافوه في حق الزوجات المطلقات، فلا تخرجوهن من بيوتهن مدة العدة، بل يلزمن بيوتهن الذي طلقها زوجها وهي فيها، ولا يخرجن، أي لا يجوز لهن الخروج منها. أما النهي عن إخراجها فلأن المسكن يجب على الزوج للزوجة لتكمل فيه عدتها التي هي حق من حقوقه. وأما النهي عن خروجها فلما في خروجها من إضاعة حق الزوج وعدم صونه. ويستمر هذا النهي عن الخروج من البيوت والإخراج إلى تمام العدة. الجي رحمه الله، الله سبحانه وتعالى دي en s'adressant à son prophète sallallahu alayhi wa sallam et aux croyants: ô prophète, quand vous répudiez vos femmes, c'est-à-dire lorsque vous voulez les répudier, alors dans ce divorce, appliquez les choses légiférées et ne vous empressez pas à divorcer dès que la cause du divorce apparaît, sans prendre en considération l'ordre et les commandements d'Allah Azzawajal. Au contraire, il dit Azzawajal: طَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنْ, répudiez-les conformément à leur période de viduité. C'est-à-dire que l'on doit respecter les périodes de viduité. Et la période de viduité est respectée lorsque le mari divorce et prononce le divorce lorsque sa femme est pure, c'est-à-dire qu'elle n'a pas ses menstrues. Un état de pureté dans lequel il n'a pas eu de rapport avec elle. C'est lorsque le divorce est accompli de cette façon que la période de viduité est claire et nette. Est connu. Contrairement au cas où le mari divorce de sa femme lorsqu'elle est en état d'impureté, lorsqu'elle est en état de menstrue, lorsqu'elle est indisposée. Dans ce cas, cette période de menstrue n'est pas comptée dans la période de viduité. Et ainsi, sa période totale de viduité sera plus longue à cause de cela. Est-ce que vous avez compris? Lorsque le mari divorce de sa femme, afin que la période de viduité soit claire et précise et connue, il faut que le mari divorce de sa femme lorsqu'elle n'a pas ses menstrues, lorsqu'elle est pure. Un état de pureté dans lequel il n'y a pas eu de rapport avec elle. C'est-à-dire la femme a eu ses menstrues, puis elle s'est purifiée. À partir de ce moment, son mari, s'il désire la divorcer, peut la divorcer, à condition qu'il n'ait pas eu de rapport avec elle. Pourquoi ? Est-ce que cela permet d'avoir une période de viduité claire et précise ? Car la période de viduité, comme on le verra, il y en a plusieurs, mais pour la femme qui a ses menstrues, c'est 3 menstrues. Il divorce sa femme lorsqu'elle est en état de pureté, un état de pureté dans lequel elle n'a pas eu de rapport. Elle a ses menstrues, ses premières menstrues, ses deuxièmes menstrues. À partir du moment où elle a ses troisièmes menstrues, le divorce est prononcé. Puis il dit, rahimahullah, contrairement, dans le cas où le mari divorce de sa femme pendant qu'elle a ses menstrues. Du coup, cette période de menstrues n'est pas considérée comme faisant partie de la période de viduité. Donc la femme devra attendre les prochaines menstrues pour commencer à compter les premières, puis la deuxième, puis la troisième période de menstrues. Autrement dit, sa période de viduité sera du coup plus longue à cause de cette erreur de la part de ce mari. وكذلك لو طلقها في طهر وطئ فيه. Et de la même façon, lorsqu'il divorce de sa femme pendant qu'elle est en état de pureté, mais un état de pureté dans lequel il a eu des rapports avec elle. Dans ce cas, il n'est pas à l'abri qu'elle soit enceinte. Il n'est pas à l'abri que sa femme soit enceinte. Ainsi, elle ne saura pas exactement quelle est sa période de viduité. Car la période de viduité d'une femme enceinte, c'est 4 mois et 10 jours. C'est pas le nombre de mois de la gestation d'une femme, ça. Non, jusqu'à l'accouchement. Jusqu'à l'accouchement. Donc là, on ne parle plus ni de menstrues, ni de mois. Car l'accouchement peut avoir lieu au bout de 6 mois, 7 mois, 8 mois, 9 mois. Donc là, c'est lorsqu'on divorce une femme enceinte, la période de viduité, à fond, se termine au moment de l'accouchement. Puis Allah Azzawajal ordonne de compter la période, c'est-à-dire de compter de façon précise la période de viduité. Si la femme a ses menstrues, alors c'est la période de 3 menstrues. Si la femme n'a pas ses menstrues pour diverses raisons que l'on verra tout à l'heure, alors la période de viduité est de 3 mois. À condition qu'elle n'est pas enceinte, car si elle est enceinte, comme on l'a vu, c'est jusqu'à l'accouchement. Car dans le fait de compter la période de viduité, eh bien, l'on donne à Allah son droit, l'on donne également au mari qui divorce son droit, et on donne également à la femme son droit. Car de cette période de viduité dépendra un futur mariage si elle veut se marier par la suite. Ainsi, lorsque la période est comptée, eh bien, la femme sait où elle va et elle peut préparer les événements qui vont advenir par la suite. Et Allah Azza wa Jal ordonne de compter cette période à la fois au mari et à la femme. Les deux doivent compter cette période de viduité. Si la femme est responsable, si elle n'est pas responsable, alors c'est son tuteur, celui qui a sa responsabilité de compter cette période de viduité. Et Allah Azza wa Jal dit « وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ » et craignez Allah, votre Seigneur, dans l'ensemble des situations. C'est-à-dire, dans l'ensemble des situations. Et craignez-le de façon particulière concernant les droits des femmes divorcées. Puis il dit Azza wa Jalla, "Atukhrijuhunna min buyutihin." Ne les faites pas sortir de leur maison pendant la période de viduité. Au contraire, elles doivent rester dans la maison dans laquelle leurs maris les ont divorcées. Wala yakhrujna, et qu'elles n'en sortent pas également. Il leur est interdit également aux femmes de sortir de la maison conjugale. Quant à l'interdiction de l'en expulser, ceci car le mari se doit de loger sa femme. Cette femme sur laquelle il a prononcé le divorce, qui est encore en période de viduité. Est-ce que c'est sa femme, oui ou non ? Oui, c'est encore sa femme. Tant qu'elle est dans la période de viduité, c'est encore sa femme. Ainsi, il se doit de la nourrir, de la vêtir et de la loger. D'où l'interdiction de l'en expulser. Et quant à l'interdiction pour elle d'en sortir, car si elle sortait de sa maison, eh bien, elle n'observerait pas les droits de son mari, car ça reste son mari et elle a des devoirs vis-à-vis de lui. Et il dit, rahimahullah, et cette interdiction, c'est-à-dire pour la femme de quitter la maison et pour l'homme d'expulser sa femme, cette interdiction est en vigueur pendant toute la période de viduité. ثم قال رحمه الله إلا أن يأتين بفاحشة مبينة أي بأمر قبيح واضح موجب لإخراجها بحيث يدخل على أهل البيت الضرر من عدم إخراجها كالأذى بالقول كالأذى بالأقوال والأفعال الفاحشة ففي هذه الحال يجوز لهم إخراجها لأنها هي التي تسببت لإخراج نفسها والإسكان فيه جبر لخاطرها ورفق بها فهي التي أدخلت الضرر على نفسها وهذا في المعتدة الرجعية وأما البائن فليس لها سكن واجبة لأن السكن تبع للنفقة والنفقة تجب للرجعية دون البائن وتلك حدود الله أي التي حدها لعباده وشرعها لهم وأمرهم بلزومها والوقوف معها ومن يتعد حدود الله بأن لم يقف معها بل تجاوزها أو قصر عنها فقد ظلم نفسه أي بخسها وأضاع نصيبه من اتباع حدود الله التي هي الصلاح في الدنيا والآخرة لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا أي شرع الله العدة وحدد الطلاق بها لحكم عظيمة فمنها أنه لعل الله يحدث في قلب المطلق الرحمة والمودة فيراجع من طلقها ويستأنف عشرتها فيتمكن من ذلك مدة العدة أو لعله يطلقها لسبب منها فيزول ذلك السبب في مدة العدة فيراجعها لانتفاء سبب الطلاق ومن الحكم أنها مدة التربص يعلم براءة رحمها من زوجها فيلجي رحمه الله en expliquant la parole d'Allah عز وجل إلا أن يأتين بفاحشة مبينة à moins qu'elle n'ait commis une turpitude prouvée. C'est-à-dire, ne sortez pas les femmes sur lesquelles vous avez prononcé le divorce, qui sont dans leur période de viduité, ne les sortez pas, ne les expulsez pas de vos maisons, « illa an ya'tina bi fahishatin mubayyinah » à moins qu'elle n'ait commis une turpitude prouvée. C'est-à-dire, à moins qu'elles aient commis une chose odieuse et claire qui oblige le fait de l'expulser de la maison. Car le fait qu'elle reste cause des préjudices aux habitants de la maison, comme le fait qu'elle profère des paroles ou qu'elle fasse des actes réprimandables. À ce moment-là, il est autorisé de la sortir de la maison, car c'est elle qui a causé sa propre expulsion. Et le fait de... Et c'est elle qui a donc causé du tort à elle-même. Et il dit, rahimahullah, et ceci concerne al-mu'tad al-raji'iyah, celle qui est en période de viduité, al-raji'iyah, dans laquelle, une période de viduité dans laquelle le mari peut récupérer sa femme. Car après le troisième divorce, le mari ne peut plus récupérer son époux jusqu'à ce qu'elle se marie avec un autre homme et que le mariage soit consommé. Quant à celle qui a été divorcée pour la troisième fois, alors il n'est plus obligatoire de la loger. Car le fait de loger une femme que l'on divorce est la conséquence du fait que l'on doit subvenir à ses besoins. Le mari doit subvenir aux besoins de la femme sur laquelle il a prononcé le divorce et qui est en état de vie, en période de viduité, une période de viduité dans laquelle il lui est permis de la reprendre. Car la période de viduité, lorsque le mari prononce le divorce sur sa femme, lorsqu'elle est pure, un état de pureté dans lequel il n'a pas eu de rapport avec elle, à partir du moment où il prononce la formule de divorce, la période de viduité commence. Et pendant cette période de viduité, l'homme a le droit de reprendre sa femme. A le droit de reprendre sa femme sans qu'il n'ait besoin de refaire un acte de mariage. Et sans avoir besoin de demander l'autorisation au tuteur, etc. etc. Et la raj'a, la reprise de la femme pendant sa période de viduité, elle est de deux façons. La première, par la parole, en disant « je te reprends ». Ou la deuxième, en ayant un rapport avec elle. Lorsqu'un rapport a lieu avec l'épouse sur laquelle tu as prononcé le divorce pendant la période de viduité, ceci est considéré comme une reprise. En ayant un rapport avec elle, cela est considéré comme étant une reprise. C'est-à-dire que ça devient à nouveau ton épouse. Mais le premier divorce est comptabilisé. Si tu la divorces une seconde fois, dans les mêmes conditions que l'on a citées, la période de viduité entre en compte. Dans cette deuxième période de viduité, tu as le droit de la reprendre. Si tu la divorces une troisième fois, elle t'est interdite. Elle t'est interdite et tu ne peux la reprendre. Et à partir du moment où elle t'est interdite, eh bien, tu n'as plus le devoir de subvenir à ses besoins. Donc, tu n'as plus le devoir de la nourrir, de la loger et de la vêtir. Cela, bien sûr, concerne la femme. Quant aux enfants, ça reste tes enfants. Et tu te dois de subvenir à leurs besoins, même si tu divorces. Si tu as 5 enfants avec une femme et que tu la divorces, eh bien, tu devras subvenir aux besoins de tes 5 enfants. Et ça, c'est une chose que, malheureusement, beaucoup de gens apprennent après avoir divorcé. Wa-t-il ka hududullah, telles sont les lois d'Allah et les limites d'Allah qu'Allah Azza wa Jal a établi et a légiféré pour ses serviteurs. Et Allah Azza wa Jal a ordonné de s'y tenir. وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ Et quiconque transgresse les lois d'Allah, c'est-à-dire en ne s'arrêtant pas aux limites qu'Allah a tracées, mais plutôt en les dépassant ou bien en faisant preuve de manquement vis-à-vis d'elles, alors Allah Azza wa Jal dit فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ Il fait du tort à lui-même. Car il aura perdu sa part de qui lui était obligatoire dans le suivi des lois d'Allah et dans le fait de ne pas transgresser les limites d'Allah, car les limites d'Allah Azza wa Jal et les lois d'Allah ne comprennent et ne contiennent que ce qui est bénéfique pour la personne dans cette vie d'ici-bas et dans l'au-delà. Puis Allah Azza wa Jal dit: لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. Tu ne sais pas, c'est-à-dire toi qui divorces ta femme, si d'ici là Allah ne suscitera pas quelque chose de nouveau. Il dit, rahimahullah, Cheikh Sa'di, qu'Allah Azza wa Jal a légiféré la période de viduité. Et c'est une chose qu'Allah Azza wa Jal a légiféré concernant le divorce. Et ceci pour diverses sagesses immenses. Parmi les sagesses de la période de viduité est qu'il est possible que pendant cette période, Allah Azza wa Jal fasse en sorte que la miséricorde et la compassion pénètrent le cœur de celui qui a prononcé le divorce. Et qu'ainsi, ils reprennent la femme qu'il a divorcée et renouvellent avec elle une vie conjugale. Chose qui est possible pendant la période de viduité, comme on l'a vu tout à l'heure. De même qu'il est possible que cet homme ait divorcé son épouse pour une raison particulière et que cette cause, cette raison, ne soit plus existante pendant la période de viduité. Ainsi, il reprend son épouse. Et également, parmi les sagesses de la période de viduité, أنها مدة التربص, c'est le moment d'attente dans lequel on est à l'affût. À l'affût de quoi ? À l'affût et à l'observation de voir si cette femme est enceinte ou pas. يعلم براءة رحمها من زوجها. Une période dans laquelle l'on connaîtra, l'on prendra connaissance de façon certaine que l'utérus de cette femme ne contient pas d'enfant. Car il est possible qu'une femme ait ses menstrues, mais qu'elle soit enceinte. Ce sont des choses qui arrivent. Mais d'avoir une menstrue, puis une deuxième, puis une troisième, cela prouve avec certitude que cette femme n'est pas enceinte. ثم قال رحمه الله وقوله فإذا بلغنا أجلهن أي إذا قاربنا انقضاء العدة لأنهن لو خرجن من العدة لم يكن الزوج مخيرا بين الإمساك والفراق فأمسكوهن بمعروف أي على وجه المعاشرة الحسنة والصحبة الجميلة لا على وجه الضرار لا على وجه الضرار وإرادة الشر والحبس فإن إمساكها على هذا الوجه لا يجوز أو فارقوهن بمعروف أي فراقا لا محذور فيه من غير تشاتم ولا تخاصم ولا قهر لها على أخذ شيء من مالها وأشهدوا على طلاقها ورجعتها ذوي عدل منكم أي رجلين مسلمين عدلين لأن في الإشهاد المذكور سدا لباب المخاصمة وسدا لباب المخاصمة وكتمان كل منهما ما يلزمه بيانه وأقيموا أيها الشهداء الشهادة لله أي أؤتوا بها على وجهها من غير زيادة ولا نقص واقصدوا بإقامتها وجه الله وحده ولا تراعوا بها قريبا لقرابته ولا صاحبا لمحبته ذلكم الذي ذكرنا لكم من الأحكام والحدود يوعظ به من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فإن من يؤمن بالله واليوم الآخر يوجب له ذلك أن يتعظ بمواعظ الله وأن يقدم لآخرته من الأعمال الصالحة ما تمكن منها بخلاف من ترحل الإيمان عن قلبه فإنه لا يبالي بما أقدم عليه من الشر ولا يعظم مواعظ الله لعدم الموجب لذلك ولما كان الطلاق قد يوقع في الضيق والكرب والغم أمر تعالى بتقواه وأن من اتقاه في الطلاق وغيره فإن الله يجعل له فرجا ومخرجا فإذا أراد العبد الطلاق ففعله على الوجه الشرعي بأن أوقعه طلقة واحدة في غير حيض ولا طهر قد وطئ فيه فإنه لا يضيق عليه الأمر بل جعل الله له فرجا وسعة يتمكن فيها من مراجعة النكاح إذا ندم على الطلاق والآية وإن كانت في سياق الطلاق والرجعة فإن العبرة بعموم اللفظ فكل من اتقى الله تعالى ولازم مرضات الله في جميع أحواله فإن الله يثيبه في الدنيا والآخرة ومن جملة ثوابه أن يجعل له فرجا ومخرجا من كل شدة ومشقة وكما أن من اتقى الله جعل له فرجا ومخرجا فمن لم يتق الله وقع في الشدائد والآصار والأغلال التي لا يقدر على التخلص منها والخروج من تبعتها واعتبر ذلك بالطلاق فإن العبد إذا لم يتق الله فيه بل أوقعه على الوجه المحرم كالثلاث ونحوها فإنه لا بد أن يندم ندامة لا يمكنه استدراكها والخروج منها ويرزقهم وقوله ويرزقهم من حيث لا يحتسب أي يسوق الله الرزق للمتقي من وجه لا يحتسبه ولا يشعر به ومن يتوكل على الله أي في أمر دينه ودنياه بأن يعتمد على الله في جلب ما ينفعه ودفع ما يضره ويثق به في تسهيل ذلك فهو حسبه أي كافيه الأمر الذي توكل عليه به. وإذا كان الأمر في كفالة الغني القوي العزيز الرحيم فهو أقرب إلى العبد من كل شيء، ولكن ربما أن الحكمة الإلهية اقتضت تأخيره إلى الوقت المناسب له، فلهذا قال تعالى إن الله بالغ أمره أي لا بد من نفوذ قضائه وقدره، ولكنه قد جعل الله لكل شيء قدرا أي وقتا ومقدارا لا يتعداه ولا يقصر عنه. الجي رحمه الله تعالى en expliquant la parole d'Allah عز وجل فإذا بلغنا أجلهن. Quand elles atteignent le terme prescrit, c'est-à-dire lorsque la période de viduité est terminée. C'est-à-dire, إِذَا قَارَبْنَا الْقِضَاءَ الْعِدَّةِ lorsque la période de viduité approche. Donc, il faut comprendre la parole d'Allah عز وجل فَإِذَا بَلَغْنَا أَجَلَهُنْ quand elles atteignent le terme prescrit, c'est-à-dire lorsqu'elles en rapprochent. Car, si la période était terminée, elle ne serait plus, le mari n'aurait plus le choix de les garder ou de s'en séparer. Quand est-ce que le mari peut reprendre son épouse? Pendant la période de Idda. Lorsque la période de Idda est terminée, si c'est le premier ou deuxième divorce, il doit refaire un acte de mariage avec toutes les conditions de l'acte de mariage. Pour cela que la parole d'Allah Azza wa Jalla فَإِذَا بَلَغْنَا أَجَلَهُنَّ quand elles atteignent le terme prescrit, c'est-à-dire lorsque le terme s'apprête à se terminer et à se finir. فَأَمْسِكُهُنَّ بِمَعْرُوفٍ retenez-les de façon convenable. C'est-à-dire, si vous les gardez, si vous décidez de les reprendre, de reprendre votre femme, alors faites-le en... Faites-le de façon convenable et en vivant avec elle de façon aisée et de façon joyeuse. Ne les gardez pas pour leur faire du mal ou pour les emprisonner, car de les garder pour cela est interdit. Beaucoup ou certains gardent leur femme, décident de reprendre leur femme, non pas pour vivre avec elle de façon paisible et de façon sereine, mais plus pour leur faire la misère. Pour leur faire la misère, pour leur faire goûter des mauvaises choses et pour les emprisonner, pour les empêcher par exemple de se marier avec un autre homme. Cela est interdit. أو فارقوهن بمعروف car Allah عز وجل donne deux options. Retenez-les de façon convenable ou alors séparez-vous d'elles de façon convenable. C'est-à-dire, séparez-vous d'elles sans qu'il n'y ait d'insultes, sans qu'il n'y ait de disputes et sans que vous ne leur imposiez de donner une quelconque somme des biens qui leur appartiennent. Car certains vont dire « Je ne te reprends pas à condition que tu me donnes une somme d'argent. Sinon, je te reprends. » « Washhidu » Prenez en témoin. C'est-à-dire, prenez en témoin lorsque vous divorcez et lorsque vous reprenez. Prenez en témoin deux hommes intègres parmi vous, c'est-à-dire deux hommes musulmans dignes de confiance et justes. Car il y a dans ce témoignage permet de fermer la porte à toute dispute et à toute discorde. Et cela ferme la porte à l'un des deux époux ou aux deux qui voudrait cacher une chose qu'il lui est obligatoire de faire. Par exemple, si un homme décide de reprendre sa femme, il dit « je te reprends ». Et que par la suite, donc s'il la reprend, il doit subvenir à ses besoins, etc., etc. Puis, il ne subvient pas aux besoins de sa femme. Sa femme va se plaindre. Et lui, il peut dire « je ne t'ai jamais repris ». Il peut cacher, un des deux époux peut cacher une chose qui lui est obligatoire de faire en mentant. Et le fait de prendre des témoins au moment du divorce et au moment de la reprise permet de ne pas avoir ce genre de conflit. Car s'il y avait des témoins et que la femme dit « il ne subvient plus à mes besoins » et que l'homme ne pourra pas dire « je ne t'ai pas repris » car il y avait des témoins dans cela. Pareil pour le divorce. Et le prophète sallam a dit que trois choses sont prises en compte, qu'elles soient dites de façon sérieuse ou qu'elles soient dites en plaisantant. Et ces trois choses, le prophète sallam a dit al-nikah wa al-talaq wa al-raj'a. Le mariage, le divorce et la reprise. Lorsque tu dis à ta femme « je te reprends », cela est considéré comme une reprise. Même si tu l'as dit pour plaisanter ou pour soi-disant la faire espérer, etc., etc. Non, à partir du moment où tu dis à ta femme sur laquelle tu as prononcé la formule de divorce « je te reprends », c'est ta femme, tu l'as reprise. Et tu dois assumer les conséquences de cela. Tu dois assumer les conséquences de cette reprise. Et acquittez-vous, ô vous les témoins, du témoignage envers Allah, c'est-à-dire témoigner comme il se doit, sans rajouter ni diminuer dans votre témoignage, et recherchez dans votre témoignage la face d'Allah. Et ne prenez en compte dans votre témoignage ni une personne qui vous est proche, ni un ami que vous aimez. Alors Azzawajal ici exhorte les témoins du divorce et les témoins de la reprise. Que lorsque l'on sollicite leur témoignage, ils ne doivent ni rajouter ni diminuer. Et ils ne doivent pas ajuster leur témoignage en fonction de la personne concernée. Si l'un des témoins, par exemple, est un ami du mari qui nie avoir repris son épouse, on appelle les témoins, un des témoins est proche du mari, il n'a pas le droit de falsifier ou de changer ou d'ajuster son témoignage parce que ce serait en défaveur de son ami qui a divorcé ou qui a repris à Afwan son épouse. Donc, le témoignage doit être fait de façon totalement impartiale. Zalikum, voilà ce à quoi, c'est-à-dire voilà ce que nous vous avons annoncé comme jugement et comme loi. Voilà ce à quoi est exhorté celui qui croit en Allah et au jour dernier. Car celui qui croit en Allah et au jour dernier, il se doit de méditer sur les exhortations d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et il doit préparer pour son au-delà, il doit préparer son au-delà à travers des actes vertueux et pieux, contrairement à celui qui n'a pas de foi dans son cœur. Eh bien, il ne prêtera pas attention à tout le mal qu'il apportera et qui sera en sa défaveur. Et cette personne qui n'a pas de foi dans son cœur ne méditera pas et ne réfléchira pas aux exhortations d'Allah subhanahu wa ta'ala. Puis il dit, rahimahullah, et parce que le divorce peut amener de l'étroitesse dans la poitrine, parce que le divorce amène la détresse et les soucis. Allah subhanahu wa ta'ala ordonne de faire preuve de piété vis-à-vis de lui. Et que celui qui fait preuve de piété vis-à-vis d'Allah azza wa jal, qu'il soit dans une situation de divorce ou autre, Allah azza wa jal lui accordera la délivrance et l'issue. Si le serviteur veut le divorce et accomplit le divorce de façon légiférée, un divorce légiféré, c'est qui est fait dans quelles conditions? Lorsque la femme est pure, dans une période de pureté dans laquelle il n'a pas eu de rapport avec elle. Et on verra aussi qu'il doit divorcer, il doit prononcer une seule fois la formule de divorce et non pas divorcer trois fois de suite, car cela est interdit. Il dit, rahimahullah, lorsque le serviteur veut divorcer et qu'il fait le divorce de façon légiférée, en prononçant le divorce une fois, sans que sa femme ne soit indisposée et sans qu'il ne prononce le divorce dans une période où elle est pure, une période dans laquelle il a eu des rapports avec elle. S'il respecte ces conditions, eh bien, ce divorce ne sera pas une étroitesse pour lui. Allah Azza wa Jal lui accordera une délivrance et une largesse, et il pourra, s'il le souhaite et s'il le désire, reprendre son épouse s'il regrette de l'avoir divorcée. Il pourra reprendre son épouse s'il regrette de l'avoir divorcée. Puis il dit, rahimahullah, et le verset, même s'il est cité dans le contexte du divorce et de la reprise, il faut le comprendre dans son sens général. Toute personne qui fait preuve de piété vis-à-vis d'Allah Azza wa Jal et suit ce qui agrée Allah Azza wa Jal dans l'ensemble de ses situations, eh bien Allah subhanahu wa ta'ala le récompensera dans cette vie d'ici-bas et dans l'au-delà. Et parmi les formes de récompense, le fait qu'Allah Azza wa Jal lui accorde la délivrance, lui accorde des issues face à toute situation difficile et pénible. Et de la même façon que celui qui fait preuve de piété vis-à-vis d'Allah Azza wa Jal, qu'Allah lui accorde la délivrance et l'issue, de la même façon celui qui ne fait pas preuve de piété vis-à-vis d'Allah Azza wa Jal, eh bien, tombera dans des situations difficiles et sera attaché à des carcans dont il ne pourra se séparer ni se sauver. Puis il dit, rahimahullah, médite donc sur le divorce. Car le serviteur, s'il ne fait pas preuve de piété vis-à-vis d'Allah Azza wa Jal pendant ce divorce, eh bien, il tombera sans aucun doute dans l'interdit, comme le fait de prononcer trois fois le divorce. Et inévitablement, il regrettera son geste d'une telle façon qu'il ne pourra, il regrettera son geste et ne pourra le rattraper, et ne pourra en sortir. Car souvent, ceux qui divorcent au bout de la troisième fois regrette, mais après que cette formule soit prononcée, eh bien, ils n'ont que leurs yeux pour pleurer. Ils n'ont que leurs yeux pour pleurer. Et beaucoup sont dans cette situation. Beaucoup sont dans cette situation lorsqu'ils divorcent leur épouse pour la troisième fois, eh bien c'est là où le shaitan joue avec eux. Oui, mais en fait, la première fois, c'était pas un divorce, c'était un khoul'. Et comme le khoul' n'est pas considéré comme un divorce, donc du coup, c'était pas la deuxième fois, mais c'était la première fois. La deuxième fois, j'ai prononcé le divorce, c'est vrai, mais j'étais trop énervé. Et le fait que j'étais énervé, je ne savais plus ce que je disais, donc finalement, le deuxième n'est pas compté. Et c'est là où ils appellent les savants, les mashayikhs, etc. « Cher, j'ai fait ci, cher, j'ai fait ça, je ne suis pas sûr de ci, je ne suis pas sûr de cela. » C'est là où il va essayer de trouver des échappatoires, et c'est là où le diable va jouer avec lui, en lui faisant croire des choses, ou même en disant des mensonges de façon délibérée. Et la parole d'Allah Azza wa Jalla, « Wa yarzuqhu min haythu la yahtasib » Allah lui accordera des subsistances par des moyens sur lesquels il ne comptait pas. Celui qui fait preuve de piété. Allah Azza wa Jal lui accordera la subsistance par des moyens sur lesquels il ne comptait pas. C'est-à-dire qu'Allah Azza wa Jal accorde et donne la pourvoyance à celui qui fait preuve de piété vis-à-vis de lui d'une façon qu'il n'attendait pas et d'une façon qu'il ne ressent pas. Et celui qui place sa confiance en Allah dans les affaires de religieuses ou dans ses affaires mondaines, en s'en remettant à Allah azawajal dans ce qui apporte le bien et repousse le mal, lorsqu'il fait preuve de confiance vis-à-vis d'Allah Azza wa Jal, eh bien Allah Azza wa Jal lui facilite et il lui suffit. Fahuwa hasbu, c'est-à-dire qu'Allah Azza wa Jal lui suffit dans l'affaire sur laquelle il a placé sa confiance en lui subhanahu wa ta'ala. Car une affaire dans laquelle Allah Azza wa Jal, le riche, le tout fort, le tout puissant, le tout miséricordieux et le garant, eh bien cette affaire est plus proche du serviteur que toute autre chose. Et il est possible que pour une sagesse divine, Allah subhanahu wa ta'ala décide de retarder la chose, car cela est ce qui est le plus profitable pour son serviteur. Pour cela qu'Allah Azza wa Jalla a dit « Inna Allaha balighu amri » Allah atteint ce qu'il se propose, c'est-à-dire que ce qu'Allah Azza wa Jalla décide a lieu inéluctablement, mais il dit Azza wa Jalla « Qad ja'ala Allahu li kulli shay'in qadra » Mais Allah a assigné une mesure à chaque chose. C'est-à-dire qu'Allah Azza wa Jalla a donné à chaque chose le moment dans lequel cette chose va avoir lieu et la façon et la mesure dans laquelle cette chose va avoir lieu. Et cette chose va avoir lieu comme Allah Azza wa Jal l'a décidé, au moment venu et avec la proportion voulue. Ainsi, celui qui place sa confiance en Allah Azza wa Jal, il ne doit pas désespérer de la miséricorde d'Allah Azza wa Jal et le fait qu'Allah Azza wa Jal tient sa promesse. Et que si tu demandes une chose et qu'elle n'arrive pas sur le champ ou qu'elle n'arrive pas rapidement, sache que cette chose arrive plus tard par une sagesse divine d'Allah subhanahu wa ta'ala. ثم قال تعالى واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا ذلك أمر الله أنزله إليكم ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا. Il dit Azza wa Jalla dans les versets 4 et 5 de Sourate At-Talaq. Si vous avez des doutes à propos de la période de viduité de vos femmes qui n'espèrent plus avoir de règles. Leur délai est de 3 mois. De même pour celles qui n'ont pas encore de règles. Et quant à celles qui sont enceintes, leur période d'attente se terminera à leur accouchement. Quiconque craint Allah, cependant, il lui facilite les choses. Tel est le commandement d'Allah qu'il a fait descendre vers vous. Quiconque craint Allah, cependant, il lui efface ses fautes et lui accorde une grosse récompense. قال الشيخ السعدي رحمه الله لما ذكر تعالى أن الطلاق المأمور به يكون لعدة النساء ذكر تعالى العدة فقال واللائي يئسن من المحيض من نسائكم بأن كن يحضن ثم ارتفع حيضهن لكبر أو غيره ولم يرج رجوعه فإن عدتها ثلاثة أشهر جعل لكل شهر مقابلة حيضة واللائي لم يحضن أي الصغار اللائي لم يأتيهن الحيض بعد والبالغات اللاتي لم يأتيهن حيض بالكلية فإنهن كالأيسات عدتهن 3 أشهر وأما اللائي يحضن فذكر الله عدتهن في قوله والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء وأولاة الأحمال أجلهن أي عدتهن أن يضعن حملهن أي جميع ما في بطونهن من واحد ومتعدد ولا عبرة حينئذ بالأشهر ولا غيرها ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا أي من اتقى الله تعالى يسر له الأمور وسهل عليه كل عسير ذلك أي الحكم الذي بينه الله لكم أمر الله أنزله إليكم لتمشوا عليه وتأتموا وتقوموا به وتعظموه ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا أن يندفع عنه المحذور ويحصل له المطلوب. Il dit رحمه الله en expliquant les versets 4 et 5 de sourate At-Talaq. Lorsqu'Allah Azza wa Jal a ordonné ou lorsqu'Allah Azza wa Jal a cité le divorce ordonné qui doit respecter la période de viduité des femmes, Allah Azza wa Jal parle de cette période de viduité. Et il dit, selon le sens, si vous avez des doutes à propos de vos femmes qui n'espèrent plus avoir de règles. Des femmes donc qui n'ont pas de règles. Soit elles n'ont plus de règles, soit à cause de leur âge avancé, ou pour une autre raison. Une autre raison qui justifie le fait que ces femmes n'aient plus de menstrues. Alors, leur période de viduité sera de 3 mois. Allah Azza wa Jal a donc compensé chaque menstru par 1 mois. وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ De même pour celles qui n'ont pas encore de règles, c'est-à-dire celles qui sont petites, de telle sorte qu'elles n'aient jamais eu de menstru. Cela concerne également celles qui ont atteint l'âge de la puberté mais qui n'ont jamais eu de règles. Elles sont comme celles qui n'espèrent plus les menstrues. On a dit celles qui n'espèrent plus les menstrues, ce sont celles qui sont âgées ou qui sont atteintes d'une maladie qui fait en sorte qu'elles n'aient plus de règles. Donc, ces femmes ou ces filles qui n'ont pas encore leurs règles, parce qu'elles sont trop petites, ou elles ont atteint l'âge de la puberté mais n'ont jamais connu de règles, alors elles ont le même jugement que celles qui n'espèrent plus avoir de règles, et leur période de viduité est alors de 3 mois. Quant à celles qui ont leurs règles, Allah Azza wa Jal a cité leur période de viduité dans Sourate Al-Baqarah, le verset 228. والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. Les femmes divorcées doivent observer un délai d'attente de trois menstrues. Et la parole d'Allah Azza wa Jal, وَوُلَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنْ, quant à celles qui sont enceintes, c'est-à-dire leur période de viduité se terminera à l'accouchement. أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنْ, c'est-à-dire lorsqu'elles accoucheront de tout ce qu'il y a dans leur ventre, que ce soit un enfant ou plusieurs. Et ainsi, on ne prend pas en compte ni les mois, ni autres que les mois. Autres que les mois, comme par exemple les menstrues. On ne prend pas en compte les mois et les menstrues concernant la femme qui est enceinte. La femme qui est enceinte, elle est divorcée lorsqu'elle accouche. Si elle accouche d'un enfant, à partir du moment où l'enfant sort, elle est divorcée. Si elle a deux, trois enfants, lorsque le deuxième ou le troisième sort, elle est divorcée. C'est pour ça que Cheikh Saadi a dit « Ay jami'a ma fi butunihin » c'est-à-dire que tout ce qu'il y a dans leur ventre sort. وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا. Et celui qui fait preuve de piété vis-à-vis d'Allah Azza wa Jal, il lui facilitera ses affaires. C'est-à-dire qu'Allah Azza wa Jal lui facilitera ses affaires et Allah Azza wa Jal rendra toute chose difficile facile. ذَلِكَ, ce jugement qu'Allah Azza wa Jal vous a explicité, c'est un ordre, c'est le commandement d'Allah qu'il a fait descendre sur vous, afin que vous le suiviez, afin que vous le preniez comme un guide et afin que vous le mettiez en pratique et que vous le preniez en considération. وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْرًا. Et celui qui fait preuve de piété vis-à-vis d'Allah Azza wa Jal, il lui effacera ses fautes et lui accordera une grosse récompense, notamment lorsqu'Allah Azza wa Jal lui épargnera tout ce qui est néfaste pour lui et lorsqu'Allah Azza wa Jal lui accordera tout ce qu'il demandera et souhaitera. ونكتفي بهذا القدر وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.